Eh ben voilà, ça y est, tout est réglé. J'ai dompté la bête. J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 604. Et l'album de la semaine, c'est l'album One Hand Clapping Live Sessions. Ça date de 1974 et il nous le sort 50 ans après directement. Est-ce qu'il a encore d'autres petites perles comme ça à nous offrir? On espère, hein. Et puis ben, pour le reste, on verra bien. Bon, nous allons écouter. Alors d'abord, je vous ai fait une petite surprise exprès pour vous parce que vous êtes gentils. Je vous ai proposé de doubler tout, c'est-à-dire que on va écouter One Hand Clapping et Jet. On écoutera ensuite Simon Little Woman Love et la chanson suivante Soily. On écoutera Maybe I'm Amazed et My Love. On écoutera Let's Love All of You, Blue Moon of Kentucky, Let It Be, The Long and Waiting Road, Lady Madonna, Tomorrow, tout ça extrait du même album One Hand Clapping. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et les Beatles. Pour Lennon, par exemple, ce sera Power to the People sur l'album, sur le single sorti en 1971. George Harrison nous chantera I Dig Love sur All Things Must Pass et Ringo Starr All By Myself. Je vois qu'il est déjà l'heure, donc on va y aller. Vous êtes prêts? La partie commence sur une nouvelle table de mixage. C'est RIG 90.7, la radio des Beatles. McCartney sur RIG 90.7. Paul McCartney qui est en tournée et enfin, je me suis décidé. J'avais dit, sa voix a baissé, il fait toujours les mêmes chansons, ça m'agace un peu, même si ça me fait plaisir quand même. Mais ce gars-là a une présence, a un charisme, a un bonheur d'être avec nous. Je me souviens tout le temps quand il fait allumer les lumières et puis qu'il se plante devant nous, les mains croisées, et nous on fait « on t'adore » et tout ça, on t'aime, etc. Et c'est vrai qu'on l'aime, et il reçoit tout cet amour. Et c'est pour ça qu'il est encore sur scène à 82 ans. Donc, merci Paul, on se donne rendez-vous tous les deux, et quelque chose d'autre. Le 5 décembre, ce sera vraiment génial. Power to the People, c'est le premier appel à la révolte prolétarienne sur lequel on pouvait danser. Un exploit que Lénine n'avait jamais réalisé, contrairement à John. Power to the People, sorti aux États-Unis le 22 mars 1971. La face B était Open Your Box de Yoko Ono, qui fut remplacée par une autre de ses chansons, la plus romantique, Touch Me. Je dois avouer que je ne connais pas ces deux chansons-là, et c'est pas grave. Pendant que Power to the People faisait grimper les courbes des ventes, le tribunal de Londres assistait à l'effondrement des Beatles et leur éclatement en factions violemment opposées. Lennon n'était pas très fier de Power to the People. Il en vint à considérer la chanson comme une expression de culpabilité, composée pour apaiser les radicaux qui stigmatisaient sa fortune. Plus exactement, il qualifia cette chanson de « merde ». Excusez-moi, c'est comme ça dans le texte. Mais les sentiments qui étaient au cœur de cette chanson peuvent revenir d'actualité.

looked out my window, I watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. Well, don't you know I'm bound? I'm bound to pick up the pieces and watch them land. I'm standing all by myself. Starting all over again. I just started smiling. I'm making myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling. I just can't hide. See where I wasted my time. You came and took what you wanted and then tried to take what was mine. Don't you know I'm tired? I'm tired of finding myself. En 1974, à ne pas confondre avec All By Myself, créé par Eric Carmen et alors vraiment popularisé par Céline Dion. Oui, elle a chanté All By Myself, Don't Wanna Be, mais là ça n'a aucun rapport. C'était Ringo Starr sur l'album Goodnight Vienna. J'ai tenu à déplacer un tout petit peu la petite... vous savez, le petit moment où je vous conseille d'écouter ou de regarder, en tout cas, des sites bienveillants envers les Beatles. Et surtout que là, maintenant, on va en parler beaucoup grâce à Paul McCartney. Juste avant, je voulais qu'on fasse un petit happy birthday à Paul McCartney qui a eu 82 ans hier, en le remerciant pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, et que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Paul McCartney, happy birthday. Happy birthday to you, Paul McCartney. Il y a trois sites qu'il vous faut consulter si vous voulez tout savoir sur les Beatles. Le premier, sans ordre particulier, si peut-être, on a gardé le dernier parce qu'il est le plus worldwide, peut-être, quelque chose comme ça. En tout cas, le premier, c'est Maca Club, qui est centré sur Paul McCartney. Alors en ce moment, on en parle énormément, bien entendu, mais on peut également parler des Beatles, ça ne les dérange pas plus que ça, c'est Maca Club. Le second, c'est Yellow Submarine, yellowsub.net, qui vous permet de tout savoir sur les Beatles. Et bien entendu, on peut dire des tas de gentillesses sur Paul McCartney. Et le troisième, eh bien, c'est celui qui est en Angleterre et qui est géré par une certaine Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Retour à l'album de la semaine. One, two, three, four! Mais dans l'ambiance, cet album, hein, parce qu'il est, il présente des versions différentes de celles que nous connaissons. Et même Soily, que vous nous venez d'entendre à l'instant, est très très bonne. Elle est proche de la version de Wings Over America, qui est encore meilleure. Il y a le live qui fait qu'il hurle beaucoup plus, et c'est absolument dément. Je vous conseille d'écouter cette version-là. En tout cas, aujourd'hui, ce soir, pour l'avant-dernière émission déjà de la saga des Fab Four, on double tout. Toutes les chansons de l'album de la semaine seront présentées deux fois pour en présenter un maximum. C'est normal, c'est un double album. Voici Ringo Starr qui pointe son nez avec ma chanson du moment. Vous l'avez deviné, c'est extrait de son nouvel album, l'album Gonna Need Someone, l'album Crooked Boy, et la chanson c'est Gonna Need Someone. C'est 84 ans qu'il fait avoir, hein, et il rock encore. Bravo, bravo Ringo Starr, et continue. On refait un tour du côté des Beatles avec deux chansons. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui vont par deux. Tout d'abord, Don't Let Me Down, et puis il y aura Getting Better sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles le mercredi, entre 20h et 22h, et de septembre à juin. Attention, c'est l'avant-dernière émission. Another song, right, okay, George. How about, what have you got up your sleeve, John? What about Don't Let Me Down? Yeah, that's a bloody hey, good I one there. Don't Let Me Down Blues. Again. Don't let me down the road again, blues. Short, fat, fanny, you're my desire. Come on, boys. Come on. Zap okay. Monthly. George, come on. More.

Getting Better, extrait évidemment de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band en 1967. Hunter Davis était avec Paul à ce moment-là quand il fut frappé par la phrase sur laquelle il construisit Getting Better. « Je marchais sur Primrose Hill avec Paul et sa chienne Martha », raconte-t-il. « Le temps était clair et ensoleillé, le matin du premier beau jour de cette année-là. » Parlant du temps, Paul dit « It's getting better » pour dire que le printemps était là, il éclatait de rire. Lorsque je lui en ai demandé la raison, il m'a répondu que ça lui rappelait quelque chose. Cette expression lui a fait songer au batteur Jimmy Nichols, qui était brièvement devenu un Beatle en 1964, en juin pour être exact, se substituant durant la tournée à Ringo, qui était malade. George Martin l'appela le 3 juin. Il rencontra John, Paul et George dans l'après-midi et il jouait sur scène avec à Copenhague le lendemain soir. Une semaine plus tard, à Adélaïde, après avoir donné 5 concerts avec les Beatles, il reçut son cachet ainsi qu'une montre en or pour marquer l'occasion. Après chaque concert, John et Paul allaient voir Jimmy Nichols et lui demandaient comment il allait, raconte Hunter Davis. Tout ce qu'ils pouvaient en tirer de Jimmy, c'était « It's getting better, ça va de mieux en mieux ». Il ne disait jamais rien d'autre. C'est vrai que les batteurs n'étaient pas très causants à cette époque-là, à part Ringo. Ça a fini par devenir une plaisanterie entre les Beatles et chaque fois qu'ils pensaient à Jimmy, la phrase « It's getting better » leur venait aussitôt à l'esprit. Une fois revenu chez lui, Paul fredonna cette phrase tout en cherchant des accords sur sa guitare. Le soir même, raconte Davis, John passa le voir et Paul suggéra qu'ils écrivent cette chanson. Getting Better est un excellent exemple de la façon dont Paul et John se réfrénaient l'un l'autre lorsqu'ils écrivaient ensemble. L'optimisme du refrain de Paul, dans lequel tout s'arrange grâce à l'amour, est contrebalancé par la confession de John, qui admet avoir été un étudiant rebelle, un jeune homme plein de colère et avoir maltraité sa femme. Quand Paul chante que tout va de mieux en mieux, John ajoute que ça pourrait pas être pire. Lorsqu'on interrogea John sur cette chanson plusieurs années plus tard, il admit qu'elle faisait allusion à son agressivité. « Je crois qu'elle parle profondément en la paix et l'amour. Je suis un homme violent qui a appris à ne pas être violent et qui regrette les violences passées. » C'est bien, c'est déjà pas mal. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est One Hand Clapping, qui aurait pu sortir en 1974, qui est resté dans les placards jusqu'en 2024. Il est sorti maintenant, là, il y a quelques jours. Et je vous en propose 2 extraits. Maybe I'm Amazed et My Love sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles. Maybe I'm afraid of the way I love you. là, la qualité vocale. Encore ? Allez, encore. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love. Saga des Fab Four numéro 604 que vous écoutez sur RIG 90.7 et c'est l'avant-dernière émission de la saison. Fin juin, on va arrêter pendant 2 mois pour reprendre au mois de septembre pour la 41e saison. Mais oui, et je vais vous faire un petit aveu. Cet album One Hand Clapping qui est doublé tout sur tous les moments où on la passe ce soir, je le découvre en même temps que vous parce que je l'ai survolé exprès pour le découvrir ce soir. Et je dois avouer que je ne regrette pas du tout. Et ça nous donnera l'occasion de voir qu'il y a des chansons dans des versions légèrement différentes. Et il y a aussi des chansons que nous ne sommes pas censés connaître, comme Let's Love et All of You, chantées par Paul McCartney. Donc, on écoutera ça dans la saga, parce que c'est normal, la saga des Fab Four, c'est pour vous, c'est la seule émission hebdomadaire depuis 40 ans qui est sur les Beatles. Je suis presque persuadé que si on rajoute hebdomadaire et 40 ans, il ne doit pas y en avoir beaucoup, sur les Beatles en tout cas. On reste dans le cool, dans le doux, dans le slow. En 1975, sur Extra Texture, Read All About It, George Harrison nous pondait cette belle chanson. Ooh, baby, you know that I love you. Animateur radio, un homme et le Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. sur Érigé, la saga des femmes fortes. En 1968, Obladi Oblada. Paul entendit pour la première fois les mots Obladi Oblada dans la bouche d'un joueur de conga nigérian, du nom de Jimmy Scott, qu'il avait rencontré au Bag O'Neill's, une boîte de Soho. Si vous rencontriez quelqu'un qui appartenait à la tribu Yorumba, et si vous rencontriez justement un Yorumba, il vous dira que Obladi Oblada veut dire « life goes on », donc « la vie continue ». Le fait que Paul se soit servi d'une de ses expressions pour composer la chanson devint matière à controverse. Ça l'avait fâché parce qu'il voulait un pourcentage, raconta Paul en 1984. Je lui ai dit « Jimmy, ça n'est qu'une expression. Si tu avais écrit la chanson, tu aurais droit à ton pourcentage. » Obladi Oblada est parfois cité comme le premier morceau de reggae blanc. La phrase est Yarumba, mais la chanson et ses personnages sont jamaïcains. Lors de l'enregistrement, Paul s'est trompé à un moment donné et a chanté « Damon stays at home and did his pretty face », alors que ça devait être Molly qui restait à la maison. Mais cette erreur plut aux Beatles et ils conservèrent cette version sur le disque. Paul adorait cette chanson et voulut la sortir en 45 tours, mais John l'a toujours détestée. Bon, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là, qui est bien sympa. Et si vous vous rappelez ceux qui l'ont vu en concert à Bercy, je ne sais plus en quelle année, lorsqu'il l'a chanté en concert, ça donnait très, très, très, très, très bien. Allez, un petit John Lennon pour faire plaisir, pour vous donner le temps de faire une pause avec ce superbe titre de 1980. Écoutez-le bien parce qu'il y a une raison si je passe ce titre. Watching the Wheels sur RG. RG 90.7, la radio des Beatles. crazy. From ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheel. Effort. Non, c'est pas un effort du tout, c'est une grande joie. L'album de la semaine est doublé ce soir parce que c'est un double album et parce qu'il est absolument génial. C'est One Hand Clapping qui aurait dû sortir en 1974 et qui est resté 50 ans dans les tiroirs. On se dit, est-ce qu'il en a d'autres comme ça, fêter tous les ans un petit 50 ans d'un album qui n'est pas sorti? Ben, on aimerait bien. Quand tu veux, hein, Paul, vas-y, vas-y. Et puis sors encore d'autres choses avec ta voix de maintenant, parce que tu fais encore des trucs très très bien, Paul. Très très bien. On se voit le 5 décembre, ok. Ok. Donc, voici extrait de l'album de la semaine. D'abord, Let's Love, et après, All of You. Je dois avouer que Let's Love, je connais. All of You, je vais le découvrir avec vous. Say it now. How's it go? When I get feverish, I say, nobody's letting me by. I want someone who's holding my hand in the nighttime, loving me right. Oh, what a sight we'll see. Nobody's letting me by. I want someone who's holding my hand in the nighttime, loving me right. Oh, what a sight we'll see. De l'album One Hand Clapping de Monsieur Paul McCartney. Nous en sommes à La Cover. La Cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou une fois séparés, et même si eux-mêmes, autant des Beatles ou une fois séparés, reprenaient la chanson de quelqu'un. C'est ce que j'appelle la cover des Beatles. Cette fois-ci, c'est également quelqu'un de connu, ça pourrait être vous, hein, je vous signale, ça m'est arrivé de diffuser une chanson venant de vous. Donc la chanson d'aujourd'hui est, alors, indirectement, quelqu'un de très connu, parce qu'il s'agit de Willie Nelson. Mais il chante juste quelques mots au milieu de la chanson, je crois. Mais ce sont ses fils qui chantent la chanson la plupart du temps. Il s'agit de Watching the Wheels, un hommage à John Lennon, très très bien rendu. J'aime beaucoup cette cover. C'est la cover de la saga des Fab Four. 1, 2, 3, 4... Lost in confusion. problems, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. Go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. I just had to let it go. Nelson et deux de ses fils sur RIG 90.7, un hommage à John Lennon. Et pour la première fois, peut-être la deuxième, en 40 ans, mais j'ai décidé de le couper au bout de 3 ou 4 minutes, je ne sais plus. Je vous propose ce léger documentaire sonore pour un film d'horreur, Revolution 9, pour la première fois dans la saga des Fab Four. Yes. Number nine. Voilà, je suis arrivé à peu près au bout de ma patience pour cette chanson-là. Ça dure 8 minutes en principe. Là, on va arrêter là, parce que John Lennon était quand même capable de faire bien mieux, notamment cette chanson-là, Revolution, tout court. Evolution, But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Même reconnaître que c'est bien mieux. Et c'est la version du 45 tours, parce que la version originale sur le 33 tours est beaucoup plus lente. Et les autres Beatles, n'incluant pas John Lennon, ont dit, si on veut le sortir en 45 tours, on va en faire une version plus musclée. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que si vous regardez le clip de cette chanson-là, Revolution, en fait, ce sont les boutons qui sont montés au maximum et qui passent dans le rouge. Et c'est pour ça que ça donne une impression d'être extrêmement violent. Si vous regardez Ringo Starr, il fait poutchou, poupon, poutchou, poupon, poutchou, poupon. Tranquille, quoi. Tranquille. Et les autres aussi, quand ils jouent, c'est tranquille. Mais comme le son est monté très, très fort, voilà, vous savez tout. Mais c'est bien. C'est quand même très, très bien. On revient une dernière fois ou une avant-dernière fois? Une dernière fois, que le temps passe vite. À l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est One Hand Clapping, sorti maintenant, 50 ans après, par Monsieur Paul McCartney. Nous allons écouter, ah non, il y en aura une dernière fois après encore, un peu plus tard. Nous allons écouter Blue Moon of Kentucky, couplé avec Let It Be sur RIG. Funny looks, Jeff. Yes. But blue moon of Kentucky, just keep on shining. I don't care. Oh, I shine on the one that's gonna lift me blue. Well, blue moon of Kentucky, just keep on shining. Shine on the one that's gonna lift me blue. Well, blue moon of Kentucky, just keep on shining. Trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Thank you. Simple, mais bien. Et puisqu'on parle des versions des Beatles, on va se faire plaisir ce soir. D'abord, on va être libre comme un oiseau. Souvenez-vous, 1995, les larmes qui coulent en entendant pour la première fois depuis très très longtemps McCartney venir soutenir la voix de John Lennon. Un peu plus de 20 minutes, ce sera Eric et son émission extraordinaire Johnny de A à Z. Mais en attendant, puisqu'on éprouve tout ça pour Eric, voici du Real Love sur RG. property. Don't run off with it. You'll be breaking the law. Love monopoly. My philosophy. Don't go fooling with private property. She's mine. She belongs to me. And we'll get on fine as long as you agree that she's my private property, private property. Private property, don't run after it. You'll be facing a charge. You get off the fence. Don't go fooling with private property. Star en 1981 sur l'album Stop and Smell the Roses. La douceur, l'amour, c'est Dark Sweet Lady. George Harrison sur un album qu'il a appelé lui-même George Harrison. C'est pas fou. Enfin, c'est pas le seul à faire ça. première fois l'album de la semaine, The Long and Winding Road, couplé avec Lady Madonna sur RIG. C'est vous, je vous rajoute Tomorrow. débordé, je vais finir un petit peu après 22h. Merde. On termine avec cette chanson que vous aimez tous et toutes. Thank God for Music, Ringo Starr, en 2019, sur l'album What's My Name? Ringo. Exact. To LA and all the world in between. So many sunny days. There's a heaven on the radio. We sang along to every station. There's a heaven on the radio. Salvation. Oh yeah. Brothers and sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God. Thank God for music. Get ready, ready. Next up the show. Rock steady, roll heavy. Oh, girl, here we go. Thank God. Thank God for music. Thank God for music. Merci, Ringo Starr. On vous rappellera. Et ben voilà, ça s'est bien passé, l'avant-dernière émission de la saga des Fab Four, l'avant-dernière émission de la saison 40. On reviendra pour la saison 41 en mois de septembre. Je vous laisse entre les mains douces et la voix suave de Eric pour son émission de Johnny de A à Z. Mais non, enfin j'en sais rien. À très bientôt, salut, ciao. Pour la dernière, ce sera la semaine prochaine, le 26. Ciao. Yeah.